La tartiflette halal, c'est halal. Ah oui, c'est halal. Parce Et qu'il y a de la choucroute halal, c'est halal. Et de la raclette. Bah oui, c'est halal. Bah oui, tu dis bismillah et ça devient halal. Et avec du champagne halal, c'est possible? Bah oui, du champagne halal et du vin halal, bien sûr. Estampillé mosquée de Paris, hein, bien entendu. Ah oui, ah, avec la photo d'Armanin. Avec la photo d'Armanin, c'est possible d'avoir le label halal ISO 4000? Bah si, c'est estampillé Moussa, oui. Si son premier prénom c'est Moussa, c'est le nom de code, oui, ça passe. Parce que moi, j'adore le tampon Moussa d'Armanin. Ah bah c'est un gage de qualité, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Bah écoute, Aringis, ils connaissent. Hein. Parce que là, moi, j'ai des bouteilles de champagne 1984 avec la photo de Dali Boubacar, Islam républicain algérien. Ça le fait quand même. Oh, une bonne cuvée. Hein. Ah, quand j'ai des invités, là, on se tape un bon petit coq au vin. Bien sûr, coq au vin halal. Hein. Ne vous méprenez pas. Vous savez vivre, monsieur Hans, vous savez vivre. Sans oublier le célèbre Kohiba Boumédian.